Chapitre 29e, dans la portière. Le captif, cependant, maintenant qu'il commençait à reprendre haleine, voulait protester. « Voyons, monsieur, disait-il à Simonet, c'est une mauvaise plaisanterie. Cet homme se trompe, ou il est fou. Je ne suis pas le vicomte. Je suis votre valet de chambre. Dites-lui de me laisser, je meurs là-dedans. »« Assez !» ordonna vivement Paulin Broquet. « Silence, ou je te passe un baillon. » Il s'assura que ses ligatures n'avaient pas bougé, et qu'il était impossible à cet homme de se défaire. Et il passa dans la chambre à coucher de Simonet. « Vous permettez ?» fit-il en s'approchant du poste de téléphone qui se trouvait sur la table de nuit. « Je vais mander mes hommes pour vous débarrasser de ce chenapan et vous fournir en même temps un valet de chambre dont nous serons sûrs. » Il dit un numéro dans l'appareil. « Maintenant, » fit-il à Simonet et au ministre, « nous pouvons téléphoner sans redouter la friture sur le fil ou le rire qui nous intrigua si fort au début de cette affaire. » Je tiens en cage le Jaco, le bâtonnier de Zigomar. » La communication fut à ce moment donnée. Paulin Broquet ordonna à ses lieutenants d'accourir avec une auto et tout ce qu'il fallait pour le transport d'un prisonnier. Il désigna en même temps un homme de la brigade pour tenir ici, auprès de Simonet, la place du singulier valet de chambre dont le service était interrompu. Puis il revint au captif, qui, comprenant que toute protestation était inutile, toute tentative de rébellion vaine, se contentait d'invoquer la loi, les droits de l'homme, menaçait le ministre d'un scandale formidable dans la presse et promettait à Paulin Broquet de le couvrir de ridicule en publiant partout l'erreur et l'abus de pouvoir qu'il commettait en ce moment. Ces menaces laissaient le détective absolument indifférent. Il était revenu à son prisonnier et lui avait passé au pied une entrave d'acier fermée à clé. Doucement, il le roula, fit tenir l'homme sur le ventre et se mit à genoux sur son dos pour, très doucement, méthodiquement, le dégager de la portière tout en lui enlevant l'usage de ses bras. Il saisit les mains de l'homme, les attira en arrière et passa les menottes au poignet. Puis il relia les menottes à l'entrave des chevilles et réduisit ainsi le captif à la plus absolue impuissance. Mais tout en le dégageant de la portière pour lui passer les chaînes d'acier, Paulin Broquet en souriant lui disait « C'est donc toi qui sens si bon. Plus je tire la portière, plus ça sent fort. » Paulin Broquet se mit ensuite à fouiller son prisonnier. La moisson des poches, sans être abondante, ne manquait pas d'intérêt. Le détective sortit plusieurs lettres, la plupart en caractères chiffrés, et deux lettres portant l'entête du ministère des Affaires étrangères, des documents qu'il remit à Simonet justement anxieux. Puis il trouva, et cela l'amusa fort, un petit vaporisateur de poche contenant du parfum blond. « Ah ah ! » fit-il. « C'est avec ça que tu créais des fausses pistes odoriférantes pour me tromper et me faire chercher ailleurs celles que tu voulais garantir. » Il jeta sur le lit du blessé le petit vaporisateur. « Tenez, monsieur Simonet, voilà avec quoi votre valet de chambre faisait croire au passage de la jolie comtesse Varsovia. Le parfum est délicieux, c'est le parfum blond. » Mais les lieutenants venaient d'apparaître. « Voilà, » leur dit Paulin Broquet en leur montrant le captif, « emportez cet homme et conduisez-le dans une des cellules spéciales du dépôt. « Bien, chef. » La morse dit tout bas à l'oreille de Paulin Broquet. « Chef, nous avons fait placer des hommes dans la rue. Bon, pourquoi ? Parce que quand nous venions, nous avons vu la comtesse Varsovia en train de parlementer avec un gentleman qui nous a paru bizarre. C'est cet Américain qui est nom Will Wilson. »« Will Wilson ? » fit Paulin Broquet, tressaillant malgré lui. « Bien, mes garçons. Alors faites attention. Moi, je suis obligé de rester ici encore un moment. Je n'ai pas fini. Attention. » « Oui, chef, n'ayez aucune crainte. » La morse ajouta. « Maintenant, chef, il faut que vous prépariez M. Simonet à l'émotion d'une visite sensationnelle. Laquelle ? Le marquis Don Isigo Martolo et la comtesse Pepa d'Ortega arrivent dans leur voiture. » Paulin Broquet sursauta. « Tu dis le marquis Don Isigo ? Oui, chef. Et tu as vu en même temps Will Wilson ? Oui, chef. Alors encore une fois, mes garçons, faites doublement, triplement attention. » Paulin Broquet vivement ajouta. Tout me porte à croire que les aides vont tenter ici aujourd'hui un grand coup. Dans la maison, chez M. Simonet ? Non. Il n'y aurait pour eux désormais aucun intérêt. Mais ils savent maintenant que je suis avec le ministre. La comtesse Varsovia les a prévenus. Ils vont savoir tout de suite que j'ai pris un des leurs, que vous l'emportez. Et je suis certain qu'ils vont tout tenter pour le dégager, pour l'arracher de vos mains. Chef, ils auront du mal, je vous le promets. Paulin Broquet, de sa voix nette, froide, dit alors, Il est temps désormais d'agir durement. Ah, chef, enfin vous vous décidez. Ils emploient le couteau contre nos amis, contre ceux que nous protégeons. Mes garçons, pas de quartier. Vous comprenez? Si cela est nécessaire, tirez, tirez, abattez-en le plus possible. Bon, chef, ça va. Nous allons conduire le prisonnier au dépôt et nous reviendrons. En attendant, la rue est gardée, la maison pleine des nôtres. Un de nos hommes est valet de chambre, et dans la cuisine, il y a deux auxiliaires, prêts à courir au premier signal. C'est bien, allez, mes garçons. Les lieutenants s'emparèrent du captif. Pour plus de commodité, pour l'empêcher de crier, de donner l'alarme, d'ameuter le quartier, ils le roulèrent de nouveau dans la portière, le descendirent comme un énorme paquet et le hissèrent dans l'auto. Sidi était au volant. L'auto démarra aussitôt dans une allure superbe.